Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle qui s'appelle « La mouche dans le cercueil ». Tout un programme, n'est-ce pas? Elle est écrite par Erskine Caldwell, un écrivain américain, né en 1903 en Géorgie, Arizona. Il a une vie très aventureuse, cet écrivain. Il a exercé beaucoup de métiers des plus imprévus. Et ses nouvelles sont parues là aux éditions Gallimard sous le titre de « Soleil du Sud ». Et l'histoire est écrite en 1938. Voilà, voilà. Donc, je commence. Pauvre vieux Dawes Muffin. Il était étendu tout de son long dans la baraque au maïs, aussi mort qu'un plant de pastèque après les gelées de novembre. Et il avait une sale mouche qui lui courait sur le nez. Si le vieux Dawes avait pu seulement ressusciter une petite minute, ou même deux pendant qu'il y était, vous auriez pu aller chercher votre dernier dollar au fond de votre chaussette et parier que cette sale mouche ne se serait pas acagnardée bien longtemps à astiquer ses ignobles pattes sur le nez d'une personne humaine. « Dis donc, toi, Woodrow, dit tante Marty, va voir dans la baraque au maïs s'il n'y aurait pas des fois des vilaines mouches qui embêteraient Dawes. » Oncle Dawes s'en fiche maintenant, dit Woodrow. Oncle Dawes se fiche de tout maintenant. Mort ou vivant, Dawes se fiche pas des mouches, répliqua tante Marty. Il n'y avait pas assez de place dans la maison pour le coucher tout son long. La maison était pleine de gens et les gens avaient besoin de beaucoup de place pour se tenir. Il y avait là Hap Conson, le fou du banjo. Et quand Hap était quelque part, il lui fallait beaucoup d'espace. Il y avait cette fille café au lait foncé qui dansait tout le temps la gigue et que tout le monde appelait Goodie. Et Goodie avait besoin de toute la place quand elle retroussait ses jupes et commençait à tout faire trépider. Pauvre vieux Dawes, mort depuis un jour et une nuit. Il était incapable de dire un mot. Cette vieille mouche lui trottait tout le long du nez en s'arrêtant de temps en temps pour se lustrer les ailes et se tortiller les pattes. Il n'y avait pas plus d'un jour et une nuit qu'il s'était jeté sur la scie mécanique en voulant attraper une mouche à la scierie. Dawes avait été presque séparé en deux morceaux et il était mort, fou furieux, de voir la mouche s'échapper intacte et bien en vie. Pourtant, ça lui aurait été égal s'il avait pu se réveiller rien qu'une minute ou même deux pendant qu'il y était. S'il avait pu faire ça, il l'aurait tellement aplati, cette sale mouche qui lui marchait sur le nez, qu'il en aurait fait de la bouillie. « Dis donc, toi, Woodrow, dit tante Marty, fais comme je t'ai dit et va-t'en voir s'il y a de vilaines mouches qui embêtent Dawes. » « Tu voudrais pas que j'écrabouille des mouches sur un homme mort, dit Woodrow. « T'as pas besoin de les écrabouiller, dit tante Marty, t'as qu'à les chasser. » À l'autre bout de la maison, il y avait des hommes qui essayaient de fabriquer un cercueil de fortune pour Dawes. Ils essayaient beaucoup, mais ils fabriquaient peu. Ces fainéants-là, ils n'avaient guère l'esprit à leur travail. L'entrepreneur des pompes funèbres ne voulait pas apporter de cercueil parce qu'il demandait 60 dollars, dont 25 comptants. Personne n'avait 60 dollars. Dont 25 comptants. Aussitôt qu'ils auraient réussi à assembler le cercueil, On irait enterrer le pauvre vieux Dose, à condition que sa salopette ait fini de sécher et soit repassée. La salopette se balançait dehors sur la corde à linge, agitée par une brise douce, quand la brise soufflait par là. Le vieux Dose Muffin, allongé dans la baraque, avec son nez qui le chatouillait, il était mort et il avait besoin d'être enterré dès que ces fainéants et ces bavards qui étaient ouvriers à la scierie auraient fait un trou assez profond dans la terre. Il y a longtemps qu'il aurait pu être enterré si ce moulin à paroles de prêcheur et cette grande gueule de négro avaient bien voulu s'arrêter de palabrer le temps de finir le cercueil qu'ils étaient en train de fabriquer. Personne n'était aussi pressé que Dose. Cette lambine de vieille Marty n'avait pas commencé à laver sa salopette avant midi. Mais s'il avait pu dire son mot, il l'aurait obligé à commencer au point du jour. Ce fou du banjo, Hopkinson, qui était à la maison, empêchait tout le monde de penser à l'enterrement et personne n'avait le temps d'aller faire un tour dans la baraque au maïs pour écraser cette sale mouche sur le nez de l'oncle Dose et lui dire un petit bonjour. Et cette fille café au lait, avec ses jupes retroussées, goudille, elle allait démolir toute la maison si elle ne se décrochait pas d'abord le derrière. Et il n'y avait pas une âme au monde qui avait envie de s'arrêter de reluquer Goody le temps d'aller voir dans la baraque s'il n'y avait pas de sale mouche qui avait besoin d'être chassée. Pauvre vieux Dose, quand il est mort, c'était un ouvrier de scierie avec des pièces au fond de culotte et sans dignité sociale. Il avait abandonné la plus belle place qu'il avait eue dans sa vie, comme porteur à l'hôtel pour blanc, le jour où il s'était lancé dans une poursuite à mort derrière une mouche parce qu'elle s'était posée sur son casse-croûte juste au moment où il allait mordre dedans. Il avait couru après la mouche pendant 8 jours à travers toute la région. Et la mouche ne se serait jamais arrêtée assez longtemps pour que Dose puisse l'écraser si elle n'avait fini par tomber d'inanition. Le pauvre vieux Dose rentra chez lui, mais il fut obligé d'aller travailler au moulin et il perdit toute sa dignité sociale. « Dis donc, toi, Woodrow, dit tante Marty, combien de fois faut-il pour te dire d'aller voir s'il n'y a pas de vilaine mouche qui embête Dose ?»« Ça me ferait bien trop peur d'aller me balader autour d'un homme mort, tante Marty, dit Woodrow. Oncle Dose, il voit pas de mouche du tout. » Dose n'a pas besoin d'être tout debout et en vie comme les autres gens pour savoir s'il y a des mouches, dit-elle. Dose voit des mouches, morts ou vivants. La salopette était sèche, le cercueil était assemblé et la tombe avait 2 mètres de profondeur. On mit la salopette à Dose, on l'allongea dans la boîte et on le laissa glisser au fond du trou. Ce moulin à paroles de prêcheur commença à prier tout en arrachant les échardes de sapin qui s'étaient fichées dans ses doigts pendant qu'il assemblait le cercueil. Avec cette grande gueule de négro, Hopkinson, le joueur de banjo, s'accroupit par terre en pinçant son instrument comme si c'était une casserole pleine de charbon ardent. Puis, arriva cette gourgandine de Goody qui faisait tout trépider autour d'elle quand il y avait un gratteur de banjo dans le voisinage. On claqua le couvercle sur Dose et on le fit tenir avec 2 ou 3 clous de 4 sous tout rouillés. On jeta quelques pelletées de gravier et de sable. « Hé, arrêtez !» dit Dose. Marty eut tellement peur qu'elle se serait bien sauvée, mais elle ne pouvait pas. Elle resta figée sur place et au bout d'un petit moment, elle ouvrit un œil et essaya de voir dans le trou, par-dessus le bord. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en se démanchant le cou pour apercevoir le fond. « Qu'est-ce que tu as d'ose ?» Le couvercle sauta en l'air. Marty reçut le sable et le gravier en plein dans la figure. Et Dose sauta sur ses pieds, furieux comme il ne l'avait jamais été quand il menait sa vie du vivant. « Et si je te tordais le cou, femme » cria-t-il. « Qu'est-ce qui ne va pas, Dose ?» demanda-t-elle. « J'ai mis trop d'empois à ta salopette ?»« Femme, » dit Dose, en brandissant le poing, « tu as bougrement négligé tes devoirs. Tu me colles dans la terre avec une sale mouche enfermée dans ce cercueil. Tâche de te grouiller d'aller me chercher une tapette à mouche. Si tu crois que tu vas me clouer dans un cercueil avec une mouche dedans, tu vas voir ce que tu vas prendre. « Mais je fais toujours ce que tu dis, » répondit Marty. « Attends un peu, je cours chercher la tapette. » Il n'y avait pas un bruit nulle part. Les pelleteurs ne pelletaient rien, Hap ne pinçait pas une note et Goody ne faisait rien trépider. Marty alla chercher la tapette aussi vite qu'elle put, parce qu'elle savait qu'il ne fallait pas faire attendre Dose, et elle la lui apporta. Dose s'allongea dans la boîte de sapin pleine d'échardes et referma le couvercle sur lui. Bientôt, on entendit un bourdonnement à l'intérieur de la boîte. « Pfft !» siffla la tapette. « Bougez pas !» « Attendez !» dit Marty, en faisant un signe de tête au pelleteur. « Pfft !» entendit encore. Puis, « Flac !»« Ça y est, il l'a eu !» dit Marty, en se redressant. « Allez, pelletez les enfants, pelletez !» La poussière, le sable et le gravier voltigèrent, et le tombeau se remplit. Le prêcheur vint à bout de ses prières et de presque toutes les échardes qu'il avait dans les doigts. Hopkinson, le fou du banjo, se mit à gratter comme s'il voulait démolir son instrument. Goody, la fille café au lait avec son derrière trépidant, retroussa ses jupes et se mit à faire ses indécences tout partout. Peut-être que, vers le matin, Hap et Goody en auraient assez, mais pas sûr, parce que plus ils mettaient longtemps à se chauffer, plus ça durait. Bon, elle était un petit peu rigolote, cette petite histoire de mouche. De cercueil hein, et de tapette. Bon, je vous ai trouvé une musique que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Du piano. Le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Allez, on ne va pas se boucher les oreilles ni prendre la tapette. À tout bientôt sur Radio Gémozo 107 FM. À bientôt. Thank you.